Le porte-parole du comité de mesures extraordinaires pan-nationales contre les simulacres de guerre nucléaire contre le Nord a publié le 15 juillet une communication à l'occasion des 60 ans de la déclaration officielle des États-Unis sur l'armement nucléaire de leurs troupiers en Corée du Sud. En voici le résumé. Il est de notoriété publique que le 15 juillet 1957, les États-Unis ont déclaré officiellement procéder à l'armement nucléaire pour les GIs d'occupation de la Corée du Sud et y ont introduit massivement des armes nucléaires. Et le 29 janvier de l'année suivante, ils ont publié officiellement le déploiement des armes nucléaires en Corée du Sud. Plus tard, malgré les protestations et condamnations de l'intérieur et de l'extérieur du pays, les États-Unis ont continué à disposer les armes nucléaires de toutes sortes pour transformer la Corée du Sud en base avancée nucléaire, la plus grande en Extrême-Orient, remplie de plus de 1620 armes nucléaires jusqu'au milieu des années 1980. Et ils envoient à tout moment leurs biens stratégiques nucléaires comme flottilles de frappe de porte-avions, bombardiers stratégiques et sous-marins en Corée du Sud et à ses alentours pour mener les exercices de guerre d'agression contre le Nord et pousser la situation de la péninsule coréenne au seuil d'une nouvelle guerre. Les faits montrent nettement que les États-Unis sont agresseurs et fanats de guerre les plus barbares qui se démènent pour infliger les cataclysmes nucléaires à notre nation, loin de se contenter de nous avoir imposé la tragédie de division nationale. Donc, il est tout à fait juste que nous avons possédé et renforcé par tous les moyens la dissuasion nucléaire autodéfensive pour sauvegarder la dignité de la nation et la souveraineté du pays face à la menace et au chantage nucléaire américain. Pourtant, les États-Unis mettent en cause nos mesures pour le renforcement des armements nucléaires autodéfensifs, comme si un voleur crie au voleur. Mais ce n'est qu'un sophisme visant à camoufler leur nature de criminel qui a produit le problème nucléaire de la péninsule coréenne et a justifié leur provocation de guerre nucléaire contre notre République. Notre nucléaire est juste, car il a pour but de mettre à la ruine finale les fanats qui se démènent pour précipiter la nation coréenne dans les désastres nucléaires depuis longtemps et de sauvegarder la paix dans la péninsule coréenne et la région. Et c'est la richesse nationale qui assure l'avenir éternel de la nation. Les États-Unis, au lieu de recourir toujours aux provocations sous prétexte de menaces nucléaires et de missiles du Nord, sans tenir compte du changement de la situation, doivent réfléchir sérieusement à leur crime d'avoir produit le problème nucléaire de la péninsule coréenne et aggravé la crise de guerre, et retirer immédiatement de la Corée du Sud tous leurs troupiers et équipements de guerre, y compris les armes nucléaires. Les autorités sud-coréennes doivent bien savoir que leur participation aux démarches américaines et la traîtrise consistant à sacrifier aux forces étrangères les intérêts nationaux et le sort de la nation, et s'abstenir de la servilité aux forces étrangères et de la confrontation fratricide. Tous les Coréens du Nord, du Sud et de la diaspora sont appelés à s'unir fermement sous la bannière de l'indépendance et l'anti-américanisme pour mener plus vigoureusement la lutte pan-nationale en vue de déjouer les graves provocations de guerre nucléaire des États-Unis et de leurs valets contre le Nord.